crowd. Drinking shots and champagne, the girls get proud. Being VIP, the heat is up. Come on and freak with me. Cause when we enter the floor, DJ give us some more, some more. Turn up the bass now. We wanna dance till we drop. Tonight we do it all over and over again. This is nightlife. We dance under the moonlight and party till we feel high. We're ready for the good times. All over the nation, we have a celebration and party till we feel high. We're ready for the good life. This is nightlife. We dance under the moonlight and party till we feel high. We're for fun, my little bad girl. I'm up for anything in the party world. Get your ass in the ring. Oui, il est déjà 6h et nous avons une fête et une seule aujourd'hui, c'est celle de Venceslas. Toute l'actu de la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. Bonjour Delphine. Bonjour JB, bonjour tout le monde. Le record de la Groupama Rice a été pulvérisé. Le trimaran Vodafone est arrivé hier matin. Le Scallywag est arrivé lui hier soir. Et puis Beaugest a passé Tontuta au dernier pointage de 5h45 ce matin. La Calédonie a une croissance au ralenti. Le produit intérieur brut a progressé de 1,4% l'an dernier. Selon les spécialistes, l'économie calédonienne trouve juste son rythme de croisière après des années de croissance effrénée. Mobilisation générale toujours à l'île des Pins. Les conditions météorologiques sont toujours défavorables avec un fort vent. Le feu qui s'est déclaré vendredi a déjà brûlé 1400 hectares de végétation. 5 Vanuatu secourus en mer après une opération coordonnée par le MRCC de Nouméa. Les 5 passagers sont en bonne santé. Les conditions météorologiques étaient clémentes et le bateau suffisamment approvisionné en eau et en nourriture. Dans le reste de l'actualité, le procès de 15 salariés d'Air France poursuivis pour violence et dégradation aggravée dans l'affaire dite des chemises arrachées. C'était lors d'une réunion du comité central d'entreprise le 5 octobre 2015. Eh bien, a repris mardi à Bobigny. Patrick Buisson sort un livre sur Nicolas Sarkozy, le conseiller aujourd'hui répudié après être longtemps resté silencieux, publié en pleine campagne de la primaire de la droite. Un livre volumineux pour raconter et réfléchir. Le livre est explosif. Mieux préparé, calme tout le long, Hillary Clinton a dominé le premier débat présidentiel américain face à Donald Trump, selon de nombreux commentateurs. Mais voilà, l'impact sur les sondages extrêmement serrés à 6 semaines de l'élection pourrait être limité. Enfin, au Gabon, après une proclamation officielle des résultats de la présidentielle quasi en catimini au beau milieu de la nuit, le Gabon a organisé une investiture au pas de charge. Toute l'actu de la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. Pour

Attention, ce sont les derniers jours pour envoyer Mel Annie. Mais non, c'est pas Mel Annie qu'il faut envoyer, c'est Melbourne. Deviens un auditeur gagnant en écoutant Énergie. Bravo! Envoie Melbourne au 411. Énergie t'offre un aller-retour pour deux personnes pour Melbourne. Validité 6 mois. Envoie Melbourne au 411. Et pour 368 francs, gagne un cadeau de 145 600 francs. Envoie Melbourne au 411. Jeu gratuit, bulletin disponible à Énergie. Attention, ce sont les derniers jours. Tirage le vendredi 30 septembre à midi en direct sur Énergie. Dundéa fête la jeunesse samedi 8 octobre au skatepark de Coutio avec la deuxième édition du Big Up Day de 10h à 17h. Battle de hip-hop, contest de street foot et street basket, atelier graph, DJ live et bien plus encore avec de nombreux lots à gagner. Nouveauté cette année, la Big Up Race. Viens déguisé et équipé de ton engin à roulette préféré pour tenter de gagner un skateboard électrique. Le Big Up Day, c'est le 8 octobre au skatepark de Coutio. Plus d'infos sur la page Facebook Big Up Dundéa, événement en partenariat avec Énergie. J'aime vivre. Alors, comment vont les affaires ? Plutôt bien depuis que j'ai décidé de communiquer efficacement. Ah oui ? Mais comment tu fais ? Eh bien, chaque année, je communique dans l'annuaire de l'OPT et ça marche. Tu devrais faire la même chose. C'est 55 000 exemplaires papier diffusés sur tout le territoire. Et en plus maintenant, l'annuaire est consultable en ligne sur le site www.1012.nc. Alors, qu'est-ce que tu attends ? Professionnel, vous aussi communiquez efficacement avec l'annuaire de l'OPT. Réservez dès à présent votre publicité dans l'édition 2017 en contactant les IRN au 26 41 00. Le bulletin météo d'énergie avec la nouvelle Subaru XV. Décidez de la voie à suivre, vivez votre aventure. Voici le point préparé par Météo France. Oh ben ce matin, les nuages élevés présents au lever du jour sur le sud vont se dissiper rapidement. Quelques nuages abordent quand même l'île des Pins, le sud de la Grande Terre est marée, où une averse n'est pas exclue, mais ailleurs le ciel l'est bien dégagé. Dégagé aussi cet après-midi, puisque le temps ensoleillé domine largement. Des nuages s'accrochent néanmoins sur le relief sud, et d'autres s'attardent vers marée, où de petits risques d'averses faibles persistent. Du vent, il est comment ? Bien sur la façade ouest, il souffle de sud à sud-ouest à 10 nœuds environ, voire 10-15 nœuds sur l'extrême nord, et souvent variable faible sur la côte est et les loyautés. Et les températures maximales sont stables pour une fourchette de 26 à 29 degrés. On a perdu un petit peu quand même. J'avais un peu froid ce matin aussi pour les minimales. Demain jeudi, sur la moitié sud et les loyautés, le ciel est peu nuageux à nuageux et quelques averses sporadiques. Ailleurs, la journée est bien ensoleillée. Enfin, vendredi, la journée est aussi ensoleillée avec tout au plus quelques nuages inoffensifs. Les vents sont faibles. La météo, c'est trois rendez-vous quotidiens. Avec la nouvelle Subaru XV, l'aventure commence sur www.subaru.nc. Yeah! Avec Matériaux Center, 7000 mètres carrés de matériaux de construction pour réaliser et bâtir vos projets. 28-0404. Que c'est joli, Melbourne. Nous avons déjà le facsimilé du billet d'avion qui va être offert à l'un ou l'une d'entre vous. Ce bon cadeau est valable pour deux personnes. Vous avez 6 mois à compter du 30 septembre pour l'utiliser. Mais ça tombe bien, il y a les fêtes de fin d'année. Ça pourrait être glissé sous le sapin ou encore pour toute occasion, pour simplement se faire plaisir. C'est Melbourne, un billet d'avion pour deux personnes d'une valeur de 145 600 francs. Comment le gagner ? N'envoyez pas Melbourne, non, si, Mélanie, ou c'était Mel Gibson aussi, hein. Non, c'est bien Melbourne. Melbourne, au 41 368 francs, le SMS. Un SMS peut suffire pour gagner. Donne-le-moi, je vais remplir les cases avec mon nom de famille. Vas-y. Voilà, merci. Voilà, mets-le à date du jour, comme ça on est sûr qu'il sera pas valable. E-S-C-A-N-E-S, c'est bon, JB, je pars en vacances. Voilà, et les infos, qu'est-ce qu'il va les faire ? Bah, toi. Bah, t'as raison, il est 6h30. Toute l'actu de la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. Allez, avant son départ en vacances, les infos. Bah, tout d'abord, le record de la Groupama RS qui a été pulvérisé, JB1, 2 jours, 33 minutes, 12 secondes. C'est le temps qu'il aura fallu à l'équipage de Simon Hull sur le trimaran Vodafone pour parcourir les 6000 milles marins autour de la Nouvelle-Calédonie. Un record attendu, mais tout de même remarquable. Alors, l'arrivée du deuxième bateau, Scallywag, s'est faite hier soir à 23h15. Et puis, Beaugest avait passé la Tontouta tout à l'heure au dernier pointage juste avant 6h. La Calédonie a une croissance au ralenti. Lisez l'IOM, l'Agence française de développement, ont livré donc leur compte rapide hier. Le constat est qu'après une période de croissance exceptionnelle en 2011, eh bien, le produit intérieur brut a progressé de 1,4% l'an dernier. Pour Jean-David Naudet, le nouveau directeur de l'Institut des missions d'outre-mer, ce ralentissement n'est pas surprenant. L'économie calédonienne trouve juste son rythme de croisière après des années de croissance effrénée. Et puis le PIB par habitant a également légèrement régressé. Les foyers ont donc puisé dans leurs réserves pour maintenir leur niveau de vie. Dans le reste de l'actualité, l'affaire de la chemise arrachée, les salariés d'Air France sont devant la justice. Le 5 octobre 2015, la photo avait fait le tour du monde et terni un peu plus la réputation française en matière de dialogue social. On y voyait le DRH d'Air France, Xavier Brossetta, chemise en lambeaux, en train de fuir certains des salariés. Eh bien, le procès de 15 d'entre eux a démarré ce mardi à Bobigny. 5 sont poursuivis pour violence en réunion et 10 autres pour dégradation. Patrick Buisson, lui, sort un livre sur Nicolas Sarkozy en 2007. Nicolas Sarkozy avait beaucoup misé sur son conseiller pour accéder à l'Élysée. L'homme, aujourd'hui répudié après être longtemps resté silencieux, publie en pleine campagne de la primaire de la droite un livre volumineux pour raconter et réfléchir. Un titre provocateur, La cause du peuple. En réalité, c'est une bombe. Enfin, mieux préparé, calme tout au long, Hillary Clinton a dominé lundi soir le premier débat présidentiel américain face à Donald Trump, selon de nombreux commentateurs. Oui, mais voilà, l'impact sur les sondages extrêmement serrés à 6 semaines de l'élection pourrait être limité. Toute l'actu de la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. Le Morning Energy. Avec Matériaux Center, 7000 mètres carrés de matériaux de construction pour réaliser et bâtir vos projets. 28 0404. Dans un instant, on reviendra en musique avec un très bon groupe qui s'appelle Surprise. Surprise. Il y aura aussi Neyo qui chante pour vous Miss Independent. Mais pour le moment, c'est l'horoscope. Tous les jours, découvrez signe par signe ce que vous réservent les astres pour votre avenir avec les bijouteries Chloé et Maison de la Montre, Centre-Ville, Port-Plaisance et Belleville. Bonjour à tous, aujourd'hui mercredi 28 septembre. Un coup d'œil sur votre horoscope avec pour commencer les béliers. Votre corps vous envoie des petites alertes. Écoutez-le, il vaut mieux prévenir que guérir. Taureau, durant la journée, vous n'aurez pas à vous plaindre, aucune mauvaise surprise. Gémeaux, les célibataires, vous décidez de changer vos habitudes, vous avez envie de faire des rencontres. Cancer, votre bonne humeur vous sera fort utile pour dédramatiser la situation. Lion, vous accumulez les instants de fantaisie, de franche rigolade et les instants de complicité amoureuse. Vierge, vous ferez preuve d'autodérision, ce qui fera beaucoup sourire les autres. Balance, n'ayez pas peur d'exprimer ce que vous ressentez, il est temps que vous vous dévoiliez. Scorpion, en amour, peu d'ombre au tableau à prévoir et des projets s'installent. Sagittaire, après la pluie vient le beau temps, vous remettez tout à plat, aujourd'hui est un autre jour. Capricorne, vous êtes rayonnant de charme, vous surprenez par votre vitalité. Verseau, on vous apprécie dans le travail et on vous le montre, des personnes peuvent même vous étonner. Et les poissons, tel un vrai stratège, vous planifierez votre journée de façon à ne rien laisser au hasard. Excellente journée à tous. L'horoscope avec les bijouteries Chloé et Maison de la Montre, Centre-Ville, Port-Plaisance et Belleville. Morning Energy. Avec Matériau Center, acier, bois et dérivés, clôture et grillage, 28-04-04. On parle de Venceslas dans un instant. Auparavant, on va voir du côté de l'info à 7h. Qu'est-ce qu'il y aura à la une, Delphine ? Eh bien, la groupe Amarais, puisque les deux premiers sont arrivés. Le troisième est au niveau de Païta. Et puis hier, Vodafone, quand même, qui a pulvérisé le record. On en parle dès 7h. Impressionnant, effectivement. C'est rapide. Ils vont même plus vite que moi avec ma petite voiture. C'est clair. La tour du caillou. Venceslas, alors qui est-il ? Et déjà au niveau du caractère, les Venceslas possèdent une forte sensibilité doublée d'une intuition remarquable. C'est un prenom rare et pourtant sa meilleure année, c'est 1990, mais seulement avec 17 naissances cette année-là. En 2013, il y a eu 4 garçons qui ont reçu le prenom de Venceslas et 255 depuis 1900. Donc c'est quand même dans les rares, ou voire très rares, des prenoms. 6h49, le meilleur de la ZIC revient dans un instant, puis le journal complet donc à 7h. Énergie Nouvelle-Calédonie. 5. www.a5.nc, le site de référence de la location de véhicules. Moins 10% si vous payez en ligne sur a5.nc. Connexion internet, fax et scan, cyber.nc. Imprimante, reliure et plastification, cyber.nc. L'écrivain public qui vous aide à rédiger vos courriers, lettres de motivation et CV. Ça, c'est signé cyber.nc. Cyber.nc, le cyber qui t'accompagne, derrière le musée de la ville. Qu'avez-vous prévu pour les prochaines vacances scolaires d'octobre ? Inscrivez vos enfants au stage de l'école de cirque de Nouvelle-Calédonie. Ils ont entre 6 et 14 ans. Faites-leur découvrir les arts du cirque dans les règles de l'art. Acrobatie, jonglage, équilibré aérien. Deux périodes de stage sont proposées à la salle Ernest Véré à Nouméa. Renseignements et réservations au 28 76 78. Énergie et la compagnie Caravan Spoutnik vous proposent le spectacle de théâtre comique, mais pas que, Elki, au Centre culturel du Mont d'Or. Vous en parlez de quoi ? Des femmes, en général. Mais ça va intéresser qui ? Ben, tout le monde. Et on va rire, au moins ? Ben, ça, t'es sûr. Faut venir nombreux. Pas trop, quand même, hein. Oh, pas fou ! Bref, le spectacle Elki, c'est les 23, 24, 25, 29, 30 septembre et le 1er octobre au Centre culturel du Mont d'Or. Mais on fait comment pour réserver votre machin, là ? Bah sur étiquette, papou, ou au 41 90 90. Alors, comment vont les affaires ? Plutôt bien depuis que j'ai décidé de communiquer efficacement. Ah oui ? Ben, comment tu fais ? Eh bien, chaque année, je communique dans l'annuaire de l'OPT et ça marche. Tu devrais faire la même chose. C'est 55 000 exemplaires papier diffusés sur tout le territoire. Et en plus maintenant, l'annuaire est consultable en ligne sur le site www.1012.nc. Alors, qu'est-ce que tu attends ? Professionnels, vous aussi communiquez efficacement avec l'annuaire de l'OPT. Réservez dès à présent votre publicité dans l'édition 2017 en contactant les IRN au 26 41 00. Il y a de l'actu avec un grand A et celle avec un grand C comme carton rouge. Avec Decorama à Ducos Factory, le spécialiste du parquet, avec en exclusivité les parquets bambou mozo. Tous les lundis dans le Cahier Fouchon, retrouvez l'actualité légère ou décalée. La recette, un zeste d'info people mélangé avec une pincée d'insolite, le tout mijoté sauce coup de gueule, c'est carton rouge. Avec Decorama, matériaux de construction et de finition du bâtiment, Ducos Factory, 27 45 40. Énergie Nouvelle-Calédonie. J'écoute Énergie partout. Énergie. It's music only. Thank you. je contemple cette verdure qui est ma nature, qui se fait détruire et se fermer. Qui es-tu pour cacher mon air pur? Qui es-tu pour cacher mon eau pure? Car nous devons respecter l'allure de la nature. Notre terre a besoin, oui, d'un peuple, d'un peuple qui soutienne les montagnes. Il y a des parasites qui veulent détruire ce beau paysage. Des kanakis, des kanakis, des kanakis. Faut regarder ton pays tomber dans la douleur, dans les mains d'un homme de couleur. Imposé par sa façon de vivre, qui sont-ils pour nous juger? Qui es-tu pour nous juger? D'où viens-tu pour nous juger? Je n'ai soyé conscience de votre identité, hein. Je ne sais pas les bras, notre pays tombera dans la poussière. Quand notre nature est en train de disparaître, quand notre nature est en train de disparaître. Tom, tom, tom, tom, tom, now wind can go. Tom, tom, tom, tom, tom, now wind dale. Tom, tom, tom, tom, tom, now wind can go. Tom, tom, tom, tom, tom, now wind dale. He's just not right for you. And you could tell me if I'm off, but I see it on your face when you say that he's the one that you want. And you're spending all your time in this wrong situation, and anytime you want it to stop, I know I can treat you better than he can. And any girl like you deserves a gentleman. Stop time for you. The second you say you'd like me to, I just wanna give you the loving that you're missing, baby. Just to wake up with you will be everything I need, and this could be so different. Tell me what you want to do. 'Cause I know I can treat you better than he can. avec un Coca-Cola bien frais. Savoure chaque journée. Vibre au rythme de l'amitié. Profite de ta vie. Ajoute un peu de folie. Savoure chaque moment. Savoure l'instant. Énergie Nouvelle-Calédonie. Énergie 93.5. Une belle journée en perspective quand les nuages auront quitté le ciel du sud. Énergie, il est 7h. Bonne fête à Venceslas. Toute l'actu de la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. La croissance calédonienne tourne au ralenti. Patrick Buisson, l'ex-conseiller de Nicolas Sarkozy, sort un livre explosif enfin au Congo. Ali Bongo a vite prêté serment. Nous sommes le mercredi 28 septembre. Bonjour Delphine. Bonjour JB, bonjour tout le monde. Dans l'actualité locale, c'est le record de la groupe Amaris qui a été pulvérisé. 2 jours, 33 minutes et 12 secondes. C'est le temps qu'il aura fallu à l'équipage de Simon Hull sur le trimaran Vodafone pour parcourir les 600 000 marins autour de la Nouvelle-Calédonie. Un record attendu, mais tout de même remarquable, en comité d'accueil d'une cinquantaine de passionnés et de badauds s'étaient donc rassemblés hier aux alentours de 10h30 pour féliciter les vainqueurs. Les 8 matelots du bateau avaient le sourire lorsqu'ils sont descendus sur le ponton et que les organisateurs de la course leur ont offert des croissants et des baguettes. For Simon and his crew, beep beep. Bonjour, what's my feeling? Very pleased to win. It was fantastic, a good race. Voilà, here we are. Ok, merci beaucoup. Très bon, merci. J'ai suivi la course depuis le départ, quoi. Vous attendiez à une arrivée si rapide? Par rapport à Vodafone, oui. Et alors, ça vous fait quelle sensation, vous, de voir un bateau de ce genre ici? En fait, je suis passionné, mais j'y connais rien. Alors ça, c'est un bateau extraordinaire. Et j'espère que dans 2 ans, il y aura encore plus pour que le devant de la course soit plus animé. Ça vous plairait de la faire? Ah ouais, j'aimerais bien. On savait qu'il allait faire le tour vite. Là, les conditions n'étaient pas propices à forcément battre le record. Mais c'est vrai qu'il est arrivé en un peu plus de 2 jours. Toute la descente sur la côte ouest, là, était vraiment à des vitesses impressionnantes. Il a fait des pointes à 28 nœuds, il a été au-dessus de 20 nœuds quasiment toute la nuit. Il a avalé les 1000 d'une façon énorme, quoi. Donc vous n'avez pas beaucoup dormi? Nous, on est un équipage à la terre, à la Groupe Amaraït, ça fait partie, on fait presque nos quarts, et puis ça fait partie du jeu et du plaisir, quoi. Bonjour, qu'est-ce que vous aviez envie de voir en venant ici accueillir le premier bateau? Voir le plus d'action possible et être dans le mouvement, quoi. C'est émouvant de voir un bateau aussi gros arriver comme ça. Tout de même, surtout un bateau voilà, de cette allure-là, avec un équipage. L'an dernier, pour Jean-David Naudet, le nouveau directeur de l'Institut des missions d'outre-mer, ce ralentissement n'est pas surprenant. L'économie calédonienne trouve juste flanc droit. L'incendie n'est toujours pas maîtrisé. Les conditions météorologiques sont toujours défavorables avec un fort vent. Le feu, c'est, on le rappelle, déclaré vendredi. Il a déjà brûlé 1400 hectares de végétation. Face à l'importance du sinistre, le niveau 2 du plan hors sec feu de forêt a été déclenché depuis lundi. 5 Vanuatés secourus en mer. Ces personnes dérivaient à bord d'une embarcation de 4 mètres. Elle, météorologique, était clémente et le bateau suffisamment approvisionné en eau et en nourriture. Il faut savoir que depuis le début de l'année, c'est la 3e mission de sauvetage qui est conduite dans les eaux du Vanuatu. Et nous passons au reste de l'actualité. L'affaire de la chemise arrachée des salariés d'Air France est devant la justice. Le 5 octobre 2015, la photo avait fait le tour du monde, éternit un peu plus la réputation française en matière de dialogue social. On y voyait le DRH d'Air France, Xavier Brossetta, chemise en lambeaux, en train de fuir certains des salariés. Le procès de 15 d'entre eux a démarré mardi à Bobigny. 5 sont poursuivis pour violence en réunion et 10 autres pour dégradation. Au pénal, les salariés poursuivis pour violence encourent jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Au civil, Air France leur demande 1 euro symbolique. Le jugement sera mis en délibéré. Patrick Buisson sort un livre sur Nicolas Sarkozy. En 2007, Nicolas Sarkozy avait beaucoup misé sur Patrick Buisson pour accéder à l'Élysée. Le conseiller, aujourd'hui répudié après avoir resté longtemps silencieux, publie en pleine campagne de la primaire de la droite un livre volumineux, pour raconter et réfléchir. Un titre provocateur, La cause du peuple. En réalité, ce livre, c'est une bombe. Hillary Clinton domine le premier débat. Mieux préparé, calme tout au long, Hillary Clinton a dominé lundi soir le premier débat présidentiel américain. C'était face à Donald Trump, selon de nombreux commentateurs. Oui, mais voilà, l'impact sur les sondages extrêmement serré à 6 semaines de l'élection pourrait être limité. Les deux candidats à la Maison-Blanche, au parcours aux antipodes, se sont affrontés sur leur vision pour l'avenir, sur l'économie, la sécurité, la politique étrangère et d'autres sujets qui leur collent à la peau, comme la déclaration d'impôt de Trump qu'il refuse de rendre public ou les emails effacés d'Hillary Clinton. Au Gabon, le président Ali Bongo prête serment pour un second mandat. Après une proclamation officielle des résultats de la présidentielle quasi en catimini, au beau milieu de la nuit, le Gabon a organisé mardi une investiture au pas de charge, 4 jours à peine après sa victoire hautement contestée. Alors que le pays se calme à peine, Ali Bongo a prêté serment devant un parterre d'invités, en rien étonné de tant de célérité. Cet empressement peu courant semble avant tout viser à empêcher une opposition désemparée de se réorganiser et de rendre irréversible la réélection d'Ali Bongo. On termine par l'info insolite. Je vous propose d'écouter un petit extrait. D'accord, là, ok. Oui, t'as envie de continuer ? La vie c'est dur, là les jus durs, j'en coupe la pure. C'était quoi ? Qu'est-ce que t'en penses, JB ? Ben, franchement, je suis tu pas aimes fan. Ou tu aimes pas? Ah non, je suis pas fan du tout. Ouais, tu n'aimes pas. C'est PNL, c'est un groupe de rap français, d'accord. Bah, tu n'aimes pas. T'es un peu comme Kevin de la Fnac. Lui non plus, il aime pas. Alors, je sais pas si tu te rappelles de Kevin de la Fnac. Il s'est fait remarquer il y a quelques mois en détournant de les fameuses étiquettes coup de cœur. Et il nous avait expliqué qu'il n'aimait pas du tout Jules Maître Gims, Booba. Par exemple, Maître Gims, il disait que c'était le Danny Briand du rap français. Voilà, il taillait une veste. Normalement, les coups de cœur, c'est pour faire des compliments. Ouais. C'est des petites étiquettes qui sont souvent sur les bouquins, ou là, sur les albums en l'occurrence. Et ben, il est de retour, Kevin de la Fnac, avec une critique de l'album PNL. Alors, je te lis l'étiquette. PNL, Jardiland. Quand tu pensais qu'on avait touché le fond, mais que tu n'avais pas vu que les mecs avaient des pelles. Voilà ce qu'il pense du groupe. Il n'aime pas du tout. Alors, du coup, il a créé de nouvelles classifications dans les catégories. On a rap plus ou moins français, rap sous autotune, et ils les ont mis, c'est deux frères, hein, rappeur coquet. Oui, parce que tu vois, ils ont la mèche, ils ont les lunettes, ils sont rasés de près. Ouais, ils se moquent un peu d'eux. Et il est quand même très, très fier de sa belle mise en place. Tu sais, il y a des affiches lors de la promotion d'un album, il y a des posters. Bah, le poster, il a mis dans les toilettes de la Fnac. D'accord. Il vient ton Kevin. Ouais, il les taille bien. Je pense qu'ils vont pas apprécier. Voilà. Ouais. Kevin de la Fnac Paris Nord, il a beaucoup de succès. Il dit ce qu'il pense. Après, non, il y a du bon rap, franchement, mais là, waouh. Ouais, bon. C'est nécessaire. Après, tu donnes ton avis, JB. Ouais, c'est ça. Après, ça serait toi. Ça serait pas toi, Kevin, par hasard. L'humour comme ça, un peu piquant. Va savoir. 7h08. Toute l'actu de la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. À mon existence, j'y ai laissé mon innocence. J'ai fini le cœur sans défense. J'ai cherché l'amour et la reconnaissance. J'ai payé le prix du silence. Je me blesse et je recommence.

fin de la semaine, rendez-vous dans le Morning d'Énergie. Avec Matériau Center, réalisez vos projets sur www.matériaucenter.nc. Le chiffre du jour, c'est 100 millions. La chanteuse américaine Selena Gomez est en effet la première personnalité à atteindre les 100 millions d'abonnés sur le réseau social Instagram. La star américaine, qui a récemment annulé une tournée de concert pour des raisons de santé, a atteint ce dimanche donc la barre record. Instagram, qui fait la part belle aux personnalités du monde du divertissement, chanteuse, mannequin et acteur, règne sur le réseau social, suivi par les sportifs et les grandes marques de mode. Barack Obama, lui, cumule 125 millions de fans sur Twitter et Facebook cumulés, et il plafonne à 9 millions d'abonnés sur Instagram. Bah oui. Deuxième, Taylor Swift, 91,4 millions. Beyoncé est à 85,2 millions. Ariana Grande, 84,8. C'est quand même pas mal. Cristiano Ronaldo, lui, en est à 77 millions d'abonnés. Et vous ? Ouais, me donne pas, je sais même pas ce que c'est, moi. 7h20 à suivre, la météo. Énergie, Nouvelle-Calédonie. Identification. 93.5. Sawadika, Kanikata et bien-être au quartier latin de 9h à 20h du lundi au dimanche au 29 89 89 et sur Facebook. Parking assuré. Body Action, nutrition sportive, matériel de remise en forme, fitness et accessoires. Faites-vous conseiller par Body Action. Toutes les infos sur Facebook. Body Action, le seul spécialiste de la forme depuis 28 ans. L'apprentissage est, voilà messager, pour l'apprentissage est. Ouverture des inscriptions en août. CAP, BAC, BTS et Bachelor. L'alternance, un diplôme, un salaire. Inscription au point apprentissage. Plus d'infos sur le www.apprentissage.nc. L'apprentissage est, voilà le messager. Le Hard Café du Quartier Latin, convivial et carrément cosy pour vos afterwork. Toute l'actu sur Facebook Hard Café. C'est ton anniversaire ce mois-ci. Atoll Alma et Moselle t'offrent 20% de remise sur ta solaire et 10% sur ton équipement optique. L'offre anniversaire, c'est toute l'année chez tes deux opticiens Atoll Alma et Moselle ou sur Facebook. Atoll, mon opticien. Quelqu'un de... Eh hey, mais l'engin, j'ai la dalle. Ah ouais, mais il est 23h mon frère. Eh hey, pas grave, viens on démarre au Bilboquet Plage. Le Bilboquet Plage vous accueille jusqu'à minuit en semaine et minuit 30 le week-end, alors profitez-en. Découvrez notre offre Bilbo Ciné. Bénéficiez de 20% de réduction sur présentation de votre ticket cinéma du jour. Du 11 au 14 octobre, dans le cadre de Sport Action Vacances, le service municipal des sports de la mairie de Nouméa propose aux jeunes de Nouméa de découvrir les vertus du sport collectif en pratiquant le foot de rue, le cricket et le volley sur le terrain polyvalent de l'Ansvata. Les objectifs de cette semaine sportive sont sportifs, civiques, éducatifs et sociaux. Attention, le nombre de places est limité à 30 jeunes, alors n'attendez pas pour vous inscrire au service municipal des sports de la mairie de Nouméa à partir du 26 septembre. J'ai gagné! Oui, j'ai gagné! Et ça continue avec des gagnants toute l'année chez Shell. Et si c'était votre tour? Jusqu'au 17 mars 2017, remplissez votre bulletin de jeu dans les stations Shell et Pacifique pour gagner 4 Ford Ranger, 4 iPhone, 4 iPad et des bons de carburant. Jeu gratuit sans obligation d'achat. Règlement disponible à SSP. Attention, plus que quelques jours avant le tirage au sort du 29 septembre. Le bulletin météo d'énergie avec la nouvelle Subaru XV. Décidez de la voie à suivre, vivez votre aventure. Les prévisions établies par Météo France. Ce matin, les nuages élevés présents au lever du jour sur le sud vont se dissiper rapidement. Quelques nuages à bord de l'île des Pins, le sud de la Grande Terre est maré, où une averse n'est pas exclue. Ailleurs, le ciel est bien dégagé. Dans l'après-midi, le temps ensoleillé domine largement. Des nuages accrochent néanmoins le relief du sud et d'autres s'attardent sur marée où un petit risque d'averse reste persistant, mais averse faible. Sur la façade ouest, le vent souffle au sud-sud-ouest d'Inon environ, voire 10-15 nœuds sur l'extrême nord. Il est souvent variable faible sur la côte est et les loyautés. Et les températures maximales, c'est la fourchette de 26 à 29 degrés. La météo, c'est trois rendez-vous quotidiens. Avec la nouvelle Subaru XV, l'aventure commence sur www.subaru.nc. Just broken hearted. Matériaux Center, acier, bois et dérivés, clôture et grillage, 28-04-04. À suivre, les inconnus, les flics, ce sera le rendez-vous guide de moins 20. Et ensuite, 8h-10, Van der Kroet viendra nous dire pourquoi les chats retombent toujours sur leurs pattes. Il est 7h30. L'actu de la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. Bonjour Delphine. Bonjour JB, bonjour tout le monde. La Calédonie a une croissance au ralenti. Lisez, l'IOM, l'Agence française de développement, ont livré leur compte rapide. Le constat est qu'après une période de croissance exceptionnelle en 2011, le produit intérieur brut a progressé de 1,4% l'an dernier. Pour Jean-David Naudet, le nouveau directeur de l'Institut d'émission d'outre-mer, ce ralentissement n'est pas surprenant. L'économie calédonienne trouve juste son rythme de croisière après des années de croissance effrénée. Le PIB par habitant a légèrement régressé, les foyers ont dû puiser dans leurs réserves pour maintenir leur niveau de vie. Deux jours

Détendez-vous tous les matins de la semaine pour commencer la journée avec la banane. Le gag d'énergie proposé par le restaurant La Terrasse du Hilton. Venez découvrir notre nouveau concept, les Buddha Bowls, tous les midis du lundi au samedi. Les flics, ce sont les inconnus. Allô, ici l'unité 22, appel au commissariat. Non, je ne suis pas Géronimo et ne cherche pas lesbienne, sadomaso. Qui sait qui a changé la fréquence du poste, là, hein? Allô, commissariat, oui, ici l'unité 22. Oui, on est bien devant le théâtre de Paris pendant que les gens regardent le spectacle, on est en train de les verbaliser. Non, oui, pas de bavure, oui, on est au courant, oui, pas de bavure. Pas de bavure. Ça, c'est les consignes du ministre, ça, du PRS. Ça. Ouais, mais ça, c'est Jacques, hein. Jacques, il est capable du meilleur comme du pire, hein. Oui, mais c'est dans le pire qu'il est le meilleur, hein. Ouais. Non, mais c'est sûr. On n'est pas là pour faire la politique non plus, hein, attention. Non, d'accord, d'accord, mais enfin, moi, je l'ai toujours dit. Mais pardon, monsieur, là, qu'est-ce que vous cherchez, s'il vous plaît, monsieur? Mais pardon, monsieur, là, qu'est-ce que vous cherchez, s'il vous plaît? Comment ça? Vous êtes perdu. Et pourquoi? Il y en a un qui a un plan, là, l'avenue Clémenceau, là, c'est où, là, l'avenue Clémenceau? Alors, Clévert. Hein, ça commence à par un K, non? Je le savais. Hein. On peut être en policier puis avoir de l'humour, quand même. Hein. C'est pas incompatible, autant que je sache, ouais, non? Alors, Clémenceau. Mais il n'y a pas Clémenceau. Regardez, il est parti, oh. Il est parti, il dit pas merci. Il n'y a pas dit merci, non plus. C'est bien la jeunesse aujourd'hui, ça. Bon, assez plaisanté, arrêtez-moi les voitures, là-haut. Vous là-bas, papier, s'il vous plaît. Bon, vous n'avez pas la ceinture de sécurité, c'est 230 balles, hein? Hein? Non, je veux pas le savoir. Non, j'en ai rien à foutre, vous soyez en moto, vous n'avez pas la ceinture de 130 balles. Quoi, qu'est-ce qu'il y a, hein? Vous avez brûlé le feu rouge sous mes yeux, je veux pas le savoir. Papier, s'il vous plaît. Ça va vous coûter cher, ça, brûler le feu rouge, hein. Retrait de permis, ça, hein. Remarquez, il était presque vert, hein, monsieur le député, je vous en prie. Pourquoi tu l'as pas coincé là-bas, oh? Monsieur le député. Ah, monsieur le... Il est parti, c'est pas. Et toi, Marcel, qu'est-ce que tu fous, là, Marcel? Je mets PV, chef. Mais c'est notre voiture, là-haut. Non, non, mais je sais, mais elle est mal garée, alors... qu'est-ce que je fais, moi, oh? Mets-le, je le fais sauter, mets-le. Tiens, réponds à l'appel radio, Marcel. Je réponds. Arrêtez-vous, la papée, s'il vous plaît, monsieur. Venez de brûler le four au sous, mais je la papée, s'il vous plaît. Allô, ici, unité 22, j'écoute. Les consignes de sécurité. Bon, quittez pas, je demande au chef. Hein. Chef, les consignes de sécurité, va savoir. On les connaît par cœur, les consignes de sécurité. On les connaît par cœur. Faut être en priorité trafiquant, drogué et dealer. Faut être en priorité trafiquant, drogué. Et dealer. Mais ça y est, chef, je l'aurais dit. C'est lourd, quoi. Il faut arrêter en priorité les détenteurs d'héroïne, ouais, de cocaïne et de shit. Il y en a trois, c'est pas compliqué, non? Non, mais chef, je suis au courant. Tout à l'heure, j'ai failli en coincer un. Il avait de la cocaïne et de l'héroïne. Et tu l'as pas coincé? Il avait pas de shit. Et pourquoi il rigole, là, le monsieur, là? Et qu'est-ce qu'il y a, là? Bah, vous le prenez sur son temps et fouillez-moi la voiture. Ouais, calmez-vous, on se calme. Allez, fouillez-moi ça. On va rigoler tous les deux, là, monsieur Samu, là. On va rigoler, va. Quoi, qu'est-ce qu'il y a, hein? Vous êtes une ambulance? Eh, hey, oh, ambulance, c'est écrit à l'envers. On me la fait pas, moi, hein. Bon, le monsieur qui est allongé, là, papier, s'il vous plaît, là, hop, là. Hey, chef, faut regarder, c'est un drogué, il a une aiguille dans le bras, là, oh. C'est quoi, là, le jeu vidéo, là? Allez, éteignez-moi ça, là. Voilà, ça veut dire quoi, ça? Allez, circulez du bas de l'air. Chef, regardez là-bas, il y a une petite vieille qui se fait agresser là-bas. Oh là là, oh là. Là-bas, chef. Il faut y aller là, ouais. Oh là là. Ils sont deux, chef. Oh là là, oh là. T'es sûr que c'est pas la vieille qui agresse les deux là plutôt, non? Oh, je sais pas. De toute façon, elle se défend pas si mal que ça. Ouais, ouais, elle a perdu son dentier. Hein. Ouais, ouais. De toute façon, on peut rien faire, c'est pas notre secteur. Ouais, ouais. Bon, alors, on va aller ailleurs, mettre les PV. Ouais, allons-y, ouais. Va. Voilà. Et les meilleurs humoristes, c'est le gag d'énergie avec le restaurant La Terrasse du Hilton. Découvrez notre formule Buddha Bowls. He calls me the devil, I make him wanna sin. Every time I knock, he can help but let me in. Must be homesick for the real, I'm the realest it gets. He probably still adore me with my hands around your neck. Can you feel the warmth? Yeah. As my kiss goes down, you like some sweet alcohol. Where I'm coming from? Yeah. It's the darker side of me that makes you feel so numb. 'Cause I like hell to burn when I'm not there. I'm

Ménard Automobile, 41 44 70. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Voir conditions en concession. Le 05 34 34, c'est le numéro vert d'énergie et c'est gratuit. Avec Olala, pour le plaisir de séduire, mettez plus de sensualité dans votre vie. Olala, votre love shop sur Lansvata. Info route, besoin d'un renseignement, d'intervenir à l'antenne, de râler, de nous aimer? Composez le 05 34 34, le numéro gratuit d'énergie. Plus la peine de vous tracasser sur la durée de votre appel. Le 05 34 34, c'est gratuit. Grâce à qui? Olala, conseil et discrétion à votre portée sur www.olala.nc pour le plaisir de séduire. All right, are you ready for this? Énergie Nouvelle-Calédonie. Énergie, c'est ma radio préférée. Énergie, it's music only. La minute du professeur Van der Kroot, c'est rigolo, mais rien n'est faux. Avec Cuisine Plus, conseil et recherche du meilleur rapport qualité-prix. Cuisine Plus, au Plexus, chez Socapor, donnez un sens à votre décor. Les questions existentielles du professeur Van der Kroot. Pourquoi le chat retombe-t-il toujours sur ses pattes? Ah, ça, pour un super pouvoir, s'il avait pu le troquer contre celui de changer sa litière lui-même, ça nous aurait bien arrangé. Et moi le premier, professeur. Stagiaire Bernardin, c'était dans la convention de stage. C'est la première chose à faire le matin, après m'avoir fait couler mon café. Vous avez signé, mon petit. Le chat est plus fort que la tartine de Nutella. Mais moins bon à manger, professeur. Oui, mais lorsqu'il tombe, lui, il retombe toujours du bon côté. Pas la peine d'essayer, stagiaire Bernardin le fait pour vous. Viens là. C'était dans la convention de stage aussi. Quand Minou tombe, peu importe la hauteur, son allié n'est autre que son oreille interne. Durant la chute, elle transmet directement au cerveau la position de la tête par rapport au sol. Plus rapide qu'un PC 4 Go, le cerveau reçoit directement l'information qui va lui aider à ajuster la position du corps. Bernardin, pas par la queue, voyons. Notez que peu importe la hauteur, le chat prend toujours la position dite de l'écureuil. Il se sert de son corps comme d'un parachute, ce qui réduit sa vitesse de chute. Un chat ne tombe jamais à plus de 100 km/h, ce qui explique que certains d'entre eux ont réussi à survivre à des chutes d'une dizaine d'étages. Et là, doucement avec Miaou. Contrairement à la légende, il n'a pas 9 vies. Et si c'était le cas, vous auriez déjà bien entamé son capital. Vous saurez tout dans la minute du professeur Van der Kroot. Avec Cuisine Plus, chez Socapor Plexus Ducos, créez la cuisine qui vous ressemble. Fabrication 100% européenne, solidité et finition haut de gamme. Oh yeah, oh oh oh oh oh oh oh. J'ai balayé, croqué ses souvenirs, claqué la porte bleue de ton empire. Effacer tes marques sur ma peau et couler nos carrosses dans la scie. Je laisserai plus planer ton amour noir pour faire de moi une belle endormie. Écoute un peu mon beau miroir, il se souvient de ce que tu as dit. Tu seras la reine de mon histoire. Prends l'anneau de ma vie. Tu seras la reine de mon histoire. Qui te font mentir serait bien mieux au fond d'un vieux grimoire. Tes mots sorciers ne veulent plus rien me dire et mes dragons sont prêts pour le départ. Je reprends les rênes de mon histoire. J'y ai cru moi aussi, mais je reprends les rênes de mon histoire. Dommage, to make ends meet. I'm gonna live while I'm alive. I won't be bullied by the hierarchy. You're never gonna know if you never ever go. And nothing in life comes for free. One opportunity to make things right. I won't die wondering. Nothing can be guaranteed. If you ain't satisfied and you get it all wrong, you don't get a warranty. So don't sign the line that you don't agree. I'm gonna pack my bags, hit the road. There's so much to see. Success, but true prosperity is health and happiness. You don't gotta do what you don't wanna do, or be who you don't wanna be. Teachers will teach and preachers will preach, but the end of the day we're free. Nous sommes le 28 septembre. Bonne fête à Venceslas. Je vous ai dit les 8 heures. Oh, c'est fait. de la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. Bonjour Delphine. Bonjour JB, bonjour tout le monde. Le record de la Groupama Race a été pulvérisé. Le trimaran Vodafone est donc arrivé hier matin. Le Scallywag est arrivé hier soir à 23h15. Et puis, Beaugest vient également d'arriver à Nouméa. La Calédonie a une croissance au ralenti. Le produit intérieur brut a progressé de 1,4% l'an dernier. Selon les spécialistes, l'économie calédonienne trouve juste son rythme de croisière après des années de croissance effrénée. Et puis, mobilisation générale à l'île des Pins. Les conditions météorologiques sont toujours défavorables avec un fort vent. Un feu qui s'est déclaré vendredi qui a déjà brûlé 1400 hectares de végétation. 5 Vanuatés secourant en mer après une opération coordonnée par le MRCC de Nouméa. Et puis le procès de 15 salariés d'Air France poursuivis pour violence et dégradation aggravée dans l'affaire dite des chemises arrachées lors d'une réunion du comité central d'entreprise le 5 octobre 2015 a repris mardi à Bobigny. Le conseiller Patrick Buisson sort un livre, aujourd'hui répudié après être longtemps resté silencieux. Il publie en pleine campagne de la primaire de la droite un livre volumineux pour raconter et réfléchir. Mieux préparé, calme tout au long, Hillary Clinton, elle, a donné lundi soir le premier débat présidentiel américain face à Donald Trump, selon de nombreux commentateurs, mais l'impact sur les sondages extrêmement serrés à 6 semaines de l'élection pourrait être limité. Enfin, au Gabon, après une proclamation officielle des résultats de la présidentielle quasi en catimini, au beau milieu de la nuit, bien le Gabon a organisé une investiture au pas de charge. Sport News, l'actualité sportive, c'est Sport News avec les pneus Yokohama, l'art de la performance. Et on regarde en direction de la Ligue des Champions. Et alors qu'il se dirigeait vers une défaite, Monaco a arraché un bon match nul contre le Bayern Leverkusen, un partout, ce qui permet à l'ASM de garder la tête de son groupe. Lyon, de son côté, s'est incliné à Séville, 0-1. L'ancien Toulousain Ben Yedder a inscrit le seul but du match. L'OL passe 3e d'un groupe dominé par la Juve qui a battu Zagreb 4-0. Après avoir mené à 2 reprises le Real Madrid, a été rejoint sur le fil par le Borussia de partout. C'était à Dortmund au terme d'un match très spectaculaire. Dans le même temps, Leicester City a confirmé sa bonne entame en dominant le FC Porto 1-0. En Angleterre, Sam Allardyce a démissionné. Accusé par The Telegraph d'être corrompu après avoir été piégé par une caméra cachée, Sam Allardyce a démissionné de son poste de sélectionneur de l'Angleterre ce mardi soir après une réunion avec les dirigeants de la fédération. Il n'aura passé finalement que 67 jours sur le banc des 3 Lions. C'est Gareth Southgate, l'entraîneur des espoirs, qui va donc diriger les Anglais lors des 4 prochains matchs. Amiens a repris la tête de la Ligue 2. Et Amiens est revenu à la hauteur de Brest en tête de cette Ligue 2 après son match nul ce matin. Un partout, obtenu donc en match en retard sur la pelouse du Gazélec Ajaccio. Florent Manodou change son fusil d'épaule. Et oui, à 25 ans, le célèbre nageur français a décidé de faire une pause. Et pour cela, il a choisi un nouveau sport. Le champion olympique français a évoqué cette parenthèse dans sa carrière et indiqué qu'il avait commencé à s'entraîner au handball, oui, dans le club d'Aix-en-Provence. Alors, en évoquant sa carrière de nageur, Manodou dit vouloir prendre, ne pas prendre de décision hâtive et radicale, mais veut aussi éviter de continuer sans plaisir pour de mauvaises raisons. Voilà, il explique bien que le hand, c'est pour le plaisir, hein, qui revient sur les parquets. Si tu aimes le sport, écoute Sport News avec les pneus Yokohama chez SGIA Pneus Montagne Coupée. Sport News, c'est sur Énergie. Tous les matins, de 8h à 9h, dans Caféine, c'est Karen qui prend les commandes. Avec FitZone, découvrez le studio HIIT. Explosivité, minceur et résultats garantis. Plus d'infos au 24 16 80. Bonjour, bonjour et bienvenue à tous. Merci d'écouter Énergie ce matin. JB, t'es endormi. Oui. Pourquoi? JB, c'est la journée mondiale contre la rage. Le premier, je te ferai pas de morsure. Oui, pour la liberté d'informer également. La liberté de quoi? D'informer. Ah d'accord. Le mondial de la liberté d'informer. Bah, elle a le droit de parler, Delphine, alors. Ouais, enfin, oui, il faut pas exagérer non plus. Oui, ouais, c'est bon. Vas-y, coupe lui le micro. On va le museler. Comme ça, on n'aura pas la rage. Allez, on va écouter aujourd'hui The Pretty Reckless pour démarrer. Il y aura Gauthier, One Direction aussi. On va jouer au cinéma. Alors oui, aujourd'hui au Ciné-City, il y a plein de bons films qui vont sortir. On vous en dira plus sur les coups de 10h30. Sachez qu'il y a Radin. Non, je ne parle pas de toi, je parle de... comment il s'appelle? Danny Boone. Sa dernière comédie, il y a Les 7 mercenaires, bien entendu, avec Denzel Washington, Chris Pratt. Et il y a aussi Blair Witch qui remet ça. Vous avez peut-être vu le premier quand vous étiez tout petit. Bah oui, ça fait très très peur. Donc voilà, attention si vous allez dans les bois. Ça tombe bien, on n'en a pas beaucoup. Allez, tout de suite, on écoute The Pretty Reckless. can I play? You know I gave my life to rock and roll. Déjeuner à midi, rendez-vous à la Barca BD Citron. Tous les midis, c'est suggestions à la carte et moules frites toute l'année. Sans oublier les fameux tapas. La Barca, ouvert 7 jours sur 7, de 9h à 3h du matin. La Barca, votre brasserie branchée de la BD. Retrouvez-nous sur Facebook. Chérie, j'ai quelque chose à te demander. Oui, à quel sujet? Et si on devenait propriétaire? Ah, tu m'as fait peur, t'as complètement raison. C'est le moment d'investir. En plus, en ce moment, c'est l'opération BCI Immo. Jusqu'au 30 novembre, la BCI propose des conditions de crédit exceptionnelles. Pour plus d'infos sur l'offre BCI Immo, contactez le 250.